Revoyons à présent qu'en utiliser ser et estar, les deux verbes espagnols pour dire être. Ser indique la nature de quelque chose ou de quelqu'un, alors qu'estar décrit où se trouve une chose ou une personne, ou comment ils sont à un moment donné ou de façon transitoire. Ser décrit des caractéristiques permanentes comme soy una mujer, je suis une femme, alors qu'estar décrit des états passagers comme hoy estoy cansada, aujourd'hui je suis fatigué. Et comme ser est un verbe assez rebelle, ce ne serait pas une mauvaise idée de revoir les autres méthodes arabes Michel Thomas si vous n'êtes pas sûr de sa conjugaison. Donc, ser permet d'indiquer quelle est la nature d'un lieu, d'une chose ou d'une personne. Ser décrit l'essence des choses. D'ailleurs, un être humain se dit un ser humano. Donc, si ou indiquant le choix se dit o, et comme vous le savez, cela correspond à eso ou esa si le nom qui suit est féminin, comment direz-vous être ou ne pas être? Telle est la question. Littéralement, être ou ne pas être, cela est la question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Très philosophique cette phrase. Ser o no ser, esa es la cuestión. Mais retournons à des exemples plus pragmatiques. Traduisez-moi. La Paz est la capitale de la Bolivie. Je vous laisse deviner capitale. C'est très facile. Notez aussi qu'on ne traduit pas en espagnol le « la » devant « la Bolivie ». En effet, à règle générale, on n'utilise pas « le » ou « la » devant les noms des pays en espagnol. Dites-moi alors, La Paz est la capitale de la Bolivie. La Paz es la capital de Bolivia. Roberto, tu peux nous redire la phrase pour que l'on entende comme tu dis « paf » ? La Paz es la capital de Bolivia. Roberto prononce le Z comme un S, mais en Espagne, on dit « La Paz es la capital de Bolivia ». Le nom de cette capitale fait rêver, puisque « paf » signifie « paix », hein, P-A-I-X. On a utilisé « ser » vu que l'on indique ici, c'est que « la Paz », c'est-à-dire quelle est sa nature, son essence. Donc, si « pays » se dit « país », P-A-I accent aigu S, « monde », « mundo », M-U-N-D-O, et « petit », « pequeño », P-E-Q-U-E-N avec tilde O, comment diriez-vous « ce pays est le plus petit du monde » ? Este país es el más pequeño del mundo. Este país es el más pequeño del mundo. On a utilisé le verbe ser car on indique une caractéristique intrinsèque du pays. Il est le plus petit. Donc, si l'on parle d'une caractéristique de quelque chose ou de quelqu'un, en quoi un objet est fait, sa taille, sa couleur, etc., on utilise ser. Donc, en prenant en compte que et se dit I, Y, ou E, E, devant un mot commençant par I ou H-I, dites-moi, elle est très sympathique et intelligente. Es muy simpática e inteligente. Es muy simpática e inteligente. Avez-vous fait l'accord? Et avez-vous utilisé E, qui s'écrit E, pour dire et, si oui, toutes mes félicitations. Vous l'avez utilisé plusieurs fois, mais ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. On retrouve le verbe ser lorsque l'on dit c'est, ce sont ou c'était. Donc, comment direz-vous? C'est le livre de Lola. Es el libro de Lola. Es el libro de Lola. On utilise donc ser pour dire c'est. Remarquez toutefois que c'est bien, c'est mal, se disent respectivement está bien ou está mal. Devant des mots tels que hecho, fait, on emploie aussi toujours está. C'est fait, está hecho. Ce sont des exceptions. Le reste du temps, C'est, se dit es. Pour demander d'où vient quelqu'un, d'où il est, on utilise aussi ser. En utilisant usted et de donde, plus loin, donde, de au accent aigu, nde pour d'où, comment direz-vous d'où êtes-vous? De donde es usted? De donde es usted? On pourra vous répondre alors soy de Madrid. Je suis de Madrid. Et que me dites-vous de d'où était-il? Il est au pluriel. De donde eran? De donde eran? On pourra vous répondre alors eran de Paris. Ils étaient de Paris. Dans le même ordre d'idée, on emploie ser pour indiquer une nationalité. Ainsi, en utilisant français, F-R-A-N-C-E accent aigu S pour français, dites-moi, je suis français. Soy francés. Soy francés. Francés porte un accent écrit sur le E car ce mot ne respecte pas la règle du son. En appliquant la règle, on aurait dû dire, vu que le mot se termine par un S, francés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, l'accent nous indique sur quelle syllabe il faut accentuer. Au féminin, on a « soy francesa », sans accent écrit sur le « e ». Car, on insiste bien sur l'avant-dernière syllabe à l'oral, ce mot respecte alors la règle du son et il n'y a pas besoin d'accent écrit.